prise dans ses bras. Je suis maintenant rachetée de tous mes péchés par le roi des rois. C'est pourquoi je veux chanter sa fidélité pour l'éternité. Verset 10 à 13. Et dans Jean, chapitre 5, Le soleil de la justice déclare, mon Père agit, et moi aussi j'agis. Bien-aimé, Dieu est capable d'agir dans ta vie. Agis en moi, Seigneur, j'ai besoin de toi, je suis à toi. Agis en moi, Seigneur, j'ai besoin de toi, je suis à toi. Agis en moi, Seigneur, j'ai besoin de toi, je suis à toi. Agis en moi, Seigneur, j'ai besoin de toi, je suis à toi. Une chose, à toi qui m'écoutes, mon frère, ma sœur, peu importe ce que tu rencontres, peu importe ce que tu traverses, rappelle-toi qu'un jour, tu as fait la plus belle rencontre de ta vie, ta rencontre avec ton Jésus-Christ. Alors, n'écoute pas ce que disent les autres, ne regarde pas à ce que font les autres, mais toi reste fixé, reste focalisé sur la promesse que Dieu t'a faite le jour de votre rencontre. Et tu verras tôt ou tard, elle finira certainement par s'accomplir, comme le dit Habacuc 2, verset 3. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie. Amen.